Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, de nouvelles observations et de nouvelles découvertes autour de l'étoile Sirius relance une histoire fascinante qui mêle astrophysique et j'allais dire mythe. Jean-Marc Bonnebido, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, et vous êtes un des spécialistes mondiaux de l'étoile Sirius. Alors, c'est pas un clin d'œil gratuit, c'est que, effectivement, vous travaillez depuis longtemps sur cette étoile star, cette étoile brillante. En quoi Sirius vous a-t-elle d'abord intéressé, passionné, attiré ? En fait, c'est vraiment une énigme autour de Sirius qui est une énigme historique puisqu'elle date du grec Ptolémée, donc du deuxième siècle de notre ère. Et c'est l'énigme de la couleur de l'étoile. L'étoile, qui est une étoile brillante, c'est la plus brillante du ciel, donc effectivement, une des plus proches aussi. En fait, elle est blanche à nos yeux actuels. Et cet astronome, qui est très fameux puisqu'il a fait les premiers catalogues grecs, l'avait classée comme une étoile rouge, avec des étoiles comme Aldébaran, Arcturus, enfin des étoiles qui sont réellement rouges à l'œil. Et donc tout le monde, un certain nombre d'astronomes, justement pas tout le monde, parce que tout le monde n'y croit pas à cette histoire-là, mais certains astronomes se sont posé la question, et moi un petit peu en dernier récemment, sur l'origine d'un possible changement de couleur de l'étoile. Donc il pouvait y avoir une interprétation des textes sur peut-être le mot rouge, ou en tout cas la lumière elle-même. Bien sûr, puisque finalement les sources sont assez disparates, mais quand même, en dehors de Ptolémée, on a des auteurs latins qui ont précédé Ptolémée, du début de l'ère moderne, et comme Sénèque, Cicéron, Horace, enfin des écrivains, qui effectivement parlent de Sirius aussi comme une étoile rouge, donc ça n'était pas les seules sources. Et surtout pour moi, en fait, c'était en confrontant ces sources, on va dire méditerranéenne, aux sources chinoises, que j'ai vraiment eu l'impression que cette observation de l'étoile rouge Sirius était confirmée, puisque j'ai retrouvé dans des textes chinois un passage d'un astronome chinois du deuxième siècle avant notre ère qui effectivement ne disait pas que l'étoile était rouge, mais disait que l'étoile avait changé de couleur. Et pour moi, cet aspect des choses, j'ai découvert assez récemment, enfin dans les années 90, m'a effectivement déclenché un intérêt par rapport à cette problématique astrophysique. Alors, que signifie pour un astrophysicien changer de couleur ? Est-ce qu'une étoile peut changer de couleur ? Et si oui, quel sens ça prend sur le plan astrophysique ? Alors, bien sûr, évidemment, on sait que les étoiles changent de couleur, puisqu'on sait que les étoiles évoluent. Donc, une étoile, par exemple, comme le Soleil, va effectivement devenir à un moment donné, en se gonflant, beaucoup plus rouge, parce qu'effectivement, ses couches extérieures vont transformer la lumière qui part du centre de l'étoile. Donc, et puis ensuite, après, l'étoile va même rechanger de couleur au moment d'une explosion éventuelle pour se recondenser. Donc on sait que ça se passe comme ça dans l'astrophysique, mais les vies des étoiles, ce sont des milliards d'années. Or, ces observations datent de seulement 2000 ans. Et voilà la contradiction astrophysique. Qu'est Sirius en tant qu'étoile ? Est-elle une étoile géante, en fin de vie ? Est-elle une étoile jeune ? Que sait-on sur le plan astrophysique de Sirius ? Et je dirais, qu'a-t-on découvert depuis qu'on l'observe ? Alors, l'étoile Sirius est très très bien connue, effectivement. C'est une étoile assez analogue au Soleil. Elle est quand même deux fois plus massive et 20 fois plus lumineuse. Donc, même à la distance où elle est évidemment l'étoile la plus brillante du ciel. Et ce qui est intéressant, donc ce sont des étoiles qu'on connaît bien, des étoiles dites qui ont leur vie naturelle d'étoiles. On sait que Sirius, par exemple, a 250 millions d'années d'existence. Elle est beaucoup plus jeune que le Soleil, hein, parce que c'est une étoile plus grosse. Quelle distance ? Alors, elle est à 8 années-lumière, un tout petit peu plus de 8 années-lumière. C'est la sixième étoile la plus proche. Donc, elle est vraiment dans un environnement très, très local. Et alors, l'aspect intéressant de Sirius, c'est qu'elle a été une étoile phare de toutes les grandes découvertes. Parce que l'étoile qu'on voit à l'œil nu comme une étoile unique, évidemment, n'est pas une étoile unique, c'est une étoile double. Et la découverte de la petite étoile qui l'accompagne, qu'on appelle Sirius B, par comparaison avec Sirius A, qui est l'étoile brillante, a été toute une histoire assez rocambolesque, puisque c'est la première étoile qu'on a prédite avant de la voir. Comment est-ce possible ? C'est très intéressant, mais c'est effectivement une chose que l'on doit au mathématicien Friedrich Bessel, qui, en observant les rapports qu'on lui donnait de Sirius, a constaté que Sirius se déplace dans le ciel, c'est le mouvement naturel des étoiles les unes par rapport aux autres, mais non pas en ligne droite, mais de façon sinueuse. Si bien que ces oscillations de Sirius par rapport à la ligne droite lui ont fait penser qu'elles pouvaient être produites par un petit compagnon qui évidemment déplaçait l'étoile Sirius. Il avait même calculé la période, puisque ça se répétait, cette espèce de sinusoïdité se répétait, et il avait dit, effectivement, c'est une étoile qui doit tourner autour de Sirius 150 ans. C'est la même méthode qui permet aujourd'hui de découvrir des exoplanètes autour d'autres étoiles. Presque exactement la même, sauf que là, on ne mesure pas la vitesse de l'étoile, mais on mesure son déplacement sur le ciel. Mais c'est effectivement la même déformation de la trajectoire d'une planète. Donc, grâce à Bessel et aux observations par la suite, on va découvrir... Très intéressant, parce que Bessel dit ça, mais peu de monde le croit, on ne sait pas très bien, on dit, Sirius, c'est une étoile. Et puis, il faut attendre les premières grandes lunettes, et la première grande lunette de l'époque moderne, en 1862, le 31 janvier, où un monsieur qui s'appelait Alvan Clark, qui a construit la lunette de 50 cm, à l'époque c'est la plus grande lunette du monde, pointe l'étoile sur Sirius pour essayer sa lunette, et voit ce petit point lumineux à côté de Sirius, qui est donc cette petite étoile qu'on appelle maintenant Sirius B. Et donc l'étoile, effectivement, était réellement vue telle que l'avait prédite Bessel. Alors ça, c'est l'histoire vue par les mathématiciens, les astronomes. Il y a aussi une histoire parallèle de Sirius, une histoire presque mythologique. Et là, vous avez, si je puis dire, couru aussi après, plutôt du côté de l'Afrique. Ah oui, alors ça nous éloigne évidemment un tout petit peu de la science pure et dure, mais une autre énigme de Sirius, évidemment, le fait que une population du Mali, en Afrique évidemment, l'ancien Soudan français mais actuellement le Mali, les Dogons, que l'on connaît par d'autres réalisations architecturales et leur culture, disent avoir connaissance de cette gémelléité de l'étoile Sirius. Et la gémelléité dans la culture africaine des Dogons est très importante. Donc ils ont mis cette étoile Sirius comme un des piliers de leur cosmogonie. Et ils racontent dans leurs mythes, qui sont encore actuellement racontés, que l'étoile est née en même temps que le soleil. Donc en fait, ça a laissé penser à pas mal de gens, des ethnologues, qu'on avait référence à un phénomène qui était observé d'ailleurs par les anciens Égyptiens, le lever de l'étoile Sirius et du Soleil au même moment à l'horizon, ce que nous appelons maintenant le lever héliaque. Donc cette énigme n'est pas vraiment résolue parce que je vous ai dit qu'il y avait un petit compagnon autour de Sirius, mais il a fallu la grande lunette pour le voir, et effectivement elle est totalement invisible à l'œil nu, elle est trop faible pour être perçue à l'œil nu, même si elle était toute seule dans l'univers et non pas très proche de ce phare évidemment qui empêche de la voir naturellement. Donc la question est de savoir comment les Dogons auraient-ils pu savoir qu'il y avait un compagnon de Sirius sans mathématicien et sans télescope ? Eh bien, justement, c'est ce qui nous a, a été intéressant, c'est que moi, je le rapproche du changement de couleur. Et c'est une hypothèse, évidemment, parce qu'il n'est pas question de démonstration, là. On s'éloigne un tout petit peu de la science astrophysique, mais les comptes rendus que donnent les Dogons laissent penser qu'ils ont observé, et j'ai pu constater sur place, je me suis rendu sur place dans une mission d'ethnologie il y a quelques années, qu'il y avait un observatoire dédié à Sirius où on observait l'alignement et l'émergence de l'étoile avec le soleil, quelque chose qui était marqué par des pierres au sol. Et donc, on a confirmation que les Dogons observaient l'étoile Sirius, ils s'en servaient pour leur calendrier, et s'ils observaient de la même façon que les Égyptiens en étant dans le même continent, on peut penser qu'ils ont effectivement récupéré la connaissance de Sirius, par exemple des Égyptiens anciens, et que ces Égyptiens anciens auraient pu être témoins de ce fameux changement de couleur. Alors, le raisonnement est un tout petit peu particulier, mais qui dit changement de couleur, pour quelqu'un qui observe le ciel, dit une cause possible. Et donc, l'hypothèse, elle est vraiment au niveau de l'hypothèse, c'est qu'effectivement, en ayant assisté par transmission, ce changement de couleur, on en est déduit qu'il y avait quelque chose qui crée ce changement de couleur à côté de Sirius, et que c'était une autre petite étoile. C'est la seule piste assez ténue, il faut le dire, qu'on est à l'heure actuelle pour essayer d'expliquer cette constatation des Dogons que l'étoile était nous, parce qu'évidemment, on a longtemps pensé on aurait pu leur apprendre la gémelléité de Sirius, mais effectivement, c'est beaucoup plus ancien que ça chez les Dogons. Et qui ramènerait à une époque historique aussi, à l'époque de l'homme. Exactement. Tout ça est à l'échelle de l'homme. Revenons sur les recherches astrophysiques, puisqu'avec votre collègue Éric Pantin du service d'astrophysique de l'IRFU, donc l'Institut de recherche pour les lois fondamentales de l'univers, vous avez pointé donc de nouveaux instruments, et en particulier grâce à la lumière infrarouge, de nouveaux instruments en direction de Sirius, et des découvertes. Alors, quelle était la problématique et qu'avez-vous trouvé ? Alors, comme toujours, la problématique était différente au départ. Nous avons fait l'hypothèse il y a quelques années que ce changement de couleur, parce qu'il faut bien lui trouver une explication astrophysique à ce changement de couleur s'il a eu lieu, pouvait être causé par une troisième étoile. On a donc ce système double, mais il pouvait y avoir une petite étoile. Cette petite étoile, dans les systèmes triples, très souvent, elle est très éloignée, et puis elle se rapproche, elle vient passer au cœur du système de Sirius, et puis elle peut s'éloigner. On avait fait les calculs et ça marche, en fait, effectivement. Ça peut effectivement créer une perturbation de l'atmosphère de Sirius, et finalement, Sirius est vu comme le Soleil à l'horizon à travers une atmosphère, il est donc rougi, mais de façon temporaire, puisqu'ensuite l'étoile s'éloigne, et au bout de 200 ans, ça a disparu. C'est bien ce qu'on aurait possiblement observé. Et donc, la stratégie a été d'essayer de trouver une troisième étoile dans le système de Sirius. Et alors, à ma grande surprise, parce que ce travail a déjà débuté il y a près plus d'une dizaine d'années, quand j'ai été voir les images actuelles de Sirius, eh bien, tout est cramé. L'étoile est tellement brillante que, par exemple, sur des clichés classiques qu'utilisent les astronomes, qu'on appelle les clichés du Mont Palomar, où il y a tous ces milliards d'étoiles répertoriées, on voit une énorme tache. Parce qu'en fait, Sirius a brûlé vraiment la plaque photographique. Et je me suis aperçu que personne n'avait jamais regardé les environs immédiats de Sirius. J'entends avec des moyens modernes. Mmh. Et donc, on s'est lancé dans cette optique-là. Et c'est la dernière étape que nous avons réalisée au Chili, effectivement, l'observation en infrarouge. Alors, quand vous parlez de moyens modernes, que doit-on imaginer ? Un coronographe qui masque la lumière de l'étoile principale et puis peut-être une longueur d'onde plus sensible à la présence d'un objet hypothétique ? Voilà. Il faut trois conditions remplies. Il faut occulter l'étoile principale, qui sinon, évidemment, ferait effectivement saturer le détecteur. Il faut ensuite améliorer considérablement la qualité des images ordinaires, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que les images d'étoiles soient les plus piquées possibles pour que la lumière ne s'étale pas trop sur le détecteur. Et ensuite, il faut effectivement observer dans une longueur d'onde où on a plus de facilité de voir les petites étoiles. C'est l'infrarouge. Mmh. Ces trois conditions, effectivement, il fallait les réunir. Et alors, paradoxalement, à l'heure actuelle, ils ne sont réunis que pour des télescopes de moyenne importance. On ne peut pas observer avec le très grand télescope du Chili. Pourquoi ? D'ailleurs, parce que effectivement, même avec tous ces procédés de soustraction de l'image brillante de Sirius par un masque qu'on appelle le coronographe, eh bien la lumière qui reste diffusée est encore trop grande et sature le détecteur, parce que ce grand miroir de 8 mètres, ce sont les plus grands instruments, collecte tellement de lumière qu'il est trop sensible. Alors, il faudrait faire quoi ? Le faire dans l'espace avec Hubble, parce que là on n'aurait pas d'atmosphère ? Eh bien, pas tout à fait, puisque par les techniques qu'on appelle d'optique adaptative, on corrige déjà de la perturbation atmosphérique. C'est simplement qu'effectivement, il faudrait une meilleure soustraction de l'image. On pense maintenant à des soustractions en combinant des images avec des phasages, des techniques assez nouvelles qui sont aussi utilisées pour rechercher des petites planètes autour des étoiles. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas observer Sirius. D'ailleurs, c'était notre grande déception, puisqu'on a donc un résultat assez intéressant qu'on voulait poursuivre avec le grand télescope, le Very Large Telescope. On nous a dit non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça pour vous, on risque de cramer la caméra. Alors, parlons de ces résultats. Vous avez Sirius au centre de votre image, même si c'est pas complètement éteint à l'entour de l'étoile. Vous observez sans aucun problème la seconde étoile, donc le compagnon de Sirius, hein. Sirius B qui tourne en combien de temps ? En 50 ans, plus de 50 ans. En 50 ans. Oui. Vous cherchez un troisième compère. Vous ne le trouvez pas. Voilà, c'est un des premiers de résultats. Effectivement, l'image est suffisamment nette et précise, malgré cette légère lumière diffusée qui nous a pris beaucoup de temps à soustraire correctement. Mais on peut mettre des limites assez intéressantes, au niveau des planètes, c'est-à-dire qu'on est nos limites sont de l'ordre de 10 fois la masse de Jupiter dans cette région autour de Sirius, immédiatement proche de Sirius. Donc, on ne voit pas d'objet de cette masse-là, et bien sûr de masse supérieure, autour de Sirius. Ça, c'est des premiers résultats. Mais, alors il y a un mais, c'est que vous trouvez autre chose. Et oui, alors effectivement, paradoxalement, on ne s'intéressait pas tout à fait au petit compagnon déjà connu, Sirius B, puisqu'il était déjà connu, mais c'est notre image fournit pour la première fois les caractéristiques infrarouge de l'image, sa luminosité dans l'infrarouge. Personne n'avait jamais fait ça. Alors, on a comparé cette luminosité infrarouge avec ce qu'on connaît de la naine blanche. On la connaît très bien, on connaît sa masse, on connaît son rayon, on connaît sa température. Rappelez-nous ce qu'est une naine blanche, hein, parce que c'est pas un compagnon innocent qui est autour de Sirius, c'est quand même un drôle d'objet. Non, on est passé un peu vite sur cet objet, mais c'est un des objets les plus extraordinaires du début de l'astrophysique, puisque finalement, c'est une étoile qui a perdu sa matière extérieure et dont le cœur s'est condensé. Ce cœur donc est concentré avec la masse du Soleil dans une dimension d'une planète, ce qui nous donne effectivement des densités extravagantes. Et cette naine blanche ne doit sa structure et son équilibre qu'aux lois de la mécanique quantique. Et on ne pouvait pas imaginer avant qu'une étoile puisse soutenir une telle densité. Et donc, ces étoiles sont désormais bien connues, effectivement, mais elles sont en général petites, donc émettent peu de lumière, mais une lumière très chaude. Alors, je vous ai interrompu. Donc, autour de cette naine brune, donc on peut dire stèle funéraire, naine blanche, pardon, stèle funéraire d'une étoile ayant vécu avant Sirius, bien évidemment, vous découvrez. Eh bien, on découvre que c'est un excès de lumière infrarouge. Comme on sait pertinemment quelles sont les caractéristiques de l'étoile, on sait dire qu'est-ce qu'on attendait de la lumière infrarouge cette étoile. Dans une certaine domaine de longueur d'onde, c'est correctement prédit par les modèles. Et la dernière partie de notre observation, la plus longue longueur d'onde, celle qui révèle en général des poussières et des objets de plus petite masse que l'étoile elle-même, eh bien, on a un excès de lumière infrarouge. Et ça veut dire quoi? Alors, on est encore dans l'expectative. Comme tous les bons scientifiques, on est encore un peu surpris. D'abord parce qu'effectivement, c'était inattendu. Mais ce qui nous a intéressé, c'est de comparer cet excès infrarouge observé autour de la naine blanche Sirius B avec des observations faites par le satellite infrarouge Spitzer autour d'autres naines blanches, beaucoup plus faciles à observer parce qu'elles sont isolées dans l'espace, et qu'il a observé exactement le même excès infrarouge. Sauf que lui, l'avantage, il pouvait observer à plus longue longueur d'onde, et on voit que cet excès infrarouge augmente notablement, et il est interprété comme l'existence soit d'un disque de poussière, soit d'un système planétaire, de débris de planètes entourant la naine blanche. Alors c'est peut-être effectivement la conclusion que nous devrons un jour tirer autour de Sirius B, mais il nous manque l'étape d'observer à ces plus longues longueurs d'onde. Donc nous sommes actuellement très très prudents sur les conclusions, mais il est possible en tout cas qu'il existe à l'heure actuelle autour de Sirius B, cette petite étoile qui tourne autour de la grande Sirius A, reste un système planétaire détruit. On a des exemples de systèmes planétaires détruits par l'explosion de leur étoile, donc supernova qui ensuite va se transformer en naine blanche. On sait que c'est possible? Alors, en général, les naines blanches ne naissent pas à l'issue d'une supernova, qui est une explosion très très violente, qui en général désintégrera toute l'étoile. Elles naissent à l'issue de processus de type nova aussi, parce que c'est visible à l'œil nu comme une augmentation de lumière, mais assez calmement. Donc, en fait, l'hypothèse autour de ces naines blanches, comme le phénomène n'est pas cataclysmique, eh bien, ça arrivera d'ailleurs au Soleil, hein, en fait, si on veut le reconstituer la vie du Soleil, il terminera en naine blanche. Donc, il est très probable qu'un certain nombre de planètes subsistent autour du Soleil, même une fois qu'il sera rendu à l'état de naine blanche. De planètes, mais comme vous aviez dit, débris de planètes, on peut se dire que quelque chose a explosé, que bien les sûr, planètes parce que finalement, sont parties en éclats. Elles peuvent être vaporisées par la simple, effectivement, expansion de l'étoile, les couches chaudes de l'étoile vont atteindre les planètes. On pense que la Terre, effectivement, sera sans doute pas vaporisée, mais assez... Enfin, en partie, on ne sait d'ailleurs pas très très bien prédire l'avenir de la Terre autour du Soleil, mais il y a de grandes probabilités que selon la masse de l'étoile, effectivement, les planètes soient au moins détruites, celles qui sont le plus proches de la naine blanche, au moment où elle va se former. Donc ces phénomènes, en tout cas, on est en passe de les observer sur quatre naines blanches qui ont été observées par le satellite Spitzer. Est-ce le cas autour de Sirius B? C'est ce que pose l'observation à l'heure actuelle, effectivement. Il est possible, simplement la chose est un petit peu plus complexe puisqu'on a quand même affaire à ce système double. Donc comment les planètes ont-elles subsisté autour de Sirius B ayant l'influence de Sirius A? Enfin, ce sont des questions auxquelles on n'est pas en mesure de répondre encore. Alors, les observations fascinantes, hein, que vous nous livrez, vous êtes telle à éclairer la question de départ qui est finalement le changement de couleur de Sirius, ou est-ce que c'est une conséquence, je dirais, secondaire d'une recherche où vous découvrez tout d'un coup qu'il y a autour de cette naine blanche débris de poussière, de planètes peut-être. Mais est-ce que ça vous donne des informations supplémentaires pour la couleur de Sirius? Ça nous donne une information supplémentaire. Si c'est passé quelque chose qui a détruit des planètes, c'est passé quelque chose quand même d'assez particulier. Alors, pour l'étoile naine blanche, on sait que ce qui a précédé la formation de la naine blanche, c'est une augmentation des couches de l'étoile dont elle est issue, qui était une étoile rouge à ce moment-là. Mais de nouveau, le calendrier n'est pas le bon, parce qu'il faut quelques dizaines, voire centaines de milliers d'années pour que tout ce processus se fasse. Donc, en fait, cette anomalie, disons, de restes de planètes autour de l'étoile Sirius B nous amène à penser qu'un mécanisme différent que celui de la formation elle-même de l'étoile peut s'être produite relativement récemment, ce qui pourrait le mettre en lien avec le changement de couleur. Mais nous n'avons pas de mécanisme encore connu de ce type-là. Mais on a bien un espoir, c'est qu'effectivement, en étudiant plus attentivement les autres naines blanches, un jour ou l'autre, avec de meilleures informations sur ce matériel qui est autour d'elles, on va bien comprendre ce qui s'est passé autour de ces étoiles. Et on sera en mesure à ce moment-là de rapporter ce même mécanisme à l'étoile Sirius B et de voir si c'est le même mécanisme à l'œuvre. Parce que pour l'instant, même sur autour des naines blanches déjà isolées dans l'espace observé par la satellite Spitzer, on n'a pas vraiment bonne explication de cet excès infrarouge. Donc on est effectivement à une croisée de chemin, mais bon, ce qui est très intéressant dans la démarche qui a été concernée Sirius, c'est que de proche en proche, alors qu'on suit une ligne qui était censée nous donner une réponse à un problème donné, évidemment, on découvre autre chose. C'est vraiment le propre de toute la recherche scientifique. Vous allez continuer comment est-ce que vous attendez que le VLT, par exemple, se dote d'un système qui permette d'occulter parfaitement Sirius? Eh bien oui, on va d'abord essayer de convaincre nos collègues techniciens de l'Observatoire européen austral que de peut-être tenter quelque chose, puisque effectivement la demande a déjà été faite et ils ont refusé, puisque dès qu'on s'est aperçu qu'on avait cet excès, on a demandé en urgence, pourrait-on dire, de faire l'observation complémentaire qui nous aurait permis de conclure à l'existence de ces planètes détruites autour de Sirius B. On nous a répondu que techniquement c'est trop dangereux pour l'instrument. Soit on le fera au grand télescope du VLT, soit on essaiera de le faire ailleurs. En tout cas, effectivement, ça n'a pas été fait et il faut le faire en tout cas. Donc l'aventure continue. Absolument. Merci Jean-Marc Bonnevideau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment au prochain épisode.